Les journaux, revues et Internet du Népal ont traité spécialement le 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée. Le journal Arfan, Léon Page Internet de l'Association des journalistes et de l'Association des journalistes d'études des études jetées et de la politique de Sungun ont présenté les articles à l'éloge des exploits du président Kim Il-sung accomplis devant l'époque et l'histoire. La revue Yoda du mois de septembre a donné avec les photos montrant la puissance invincible de l'armée populaire de Corée et un article « La Corée contre l'impérialisme ». Par ailleurs, toujours à la même occasion, la télévision centrale, la radio centrale, l'agence de presse Sana, les journaux Al-Baas et Al-Sawra de Syrie ont présenté les rédactions spéciales.